Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie anglaise. Victor Ménard est un tueur à gages solitaire et vieillissant. Malgré une réputation de grand professionnel, à l'efficacité redoutable, il veille sur sa mère comme la prunelle de ses yeux. Son existence bien ordonnée va prendre une tournure inattendue lorsqu'il fait la connaissance de Rose, une jeune femme qu'il doit assassiner. Je m'appelle Victor Ménard. Je suis âgé de 54 ans et je travaille comme tueur professionnel. Elle n'a franchement aucun sens de la mesure. Mais vous l'avez tué ! Parce qu'il allait vous tuer. L'homme à qui j'ai confié ce travail, à présent, protège la fille. Victor Ménard. Nous sommes les deux tarifs les plus élevés. Ces tarifs sont un peu plus élevés que les vôtres. Où est l'homme qui devait vous tuer ? Qui pose la question ? Son remplaçant officiel. Arrêtez ! Aïe ! Aïe ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Montez ! Trois chambres, s'il vous plaît. À quel nom ? Smith. Smith. Vous portez le même nom ? Qui a fait ça ? Rembrandt. Donnez-moi son adresse et vite fait. Il est mort. Ah oui ? Calme-toi, reste. Je suis calme ! Petit meurtre à l'anglaise. Un film de Jonathan Lynn, un DVD Studio 37.